Alors, mesdames et messieurs, votre oreille s'est bien abreuvée pendant cette première heure. Alors, nous continuons en musique avec le groupe Niveau Zéro, en direct à CKRL, la radio dans Découverte. Thank you. Thank you.